les signes des agents de police qui règlent la circulation et les indications données par les forces de l'ordre prévalent sur toute autre signalisation mise en place. Je devrais donc m'arrêter si l'agent de police se tenait de face ou de dos. Mais ici, je vois l'agent de profil. Je passe donc à allure réduite sans tenir compte du signal stop, que j'aille tout droit ou à droite. Réponse B et D.